never journey through them now. Heaven below send us to into us. What? Qu'est-ce qu'il dit? Heaven below. Ça veut dire quoi la traduction? Translate. Même Bilos compris en 2 ans. Il n'a jamais rejoint notre confiture. Thank you. C'est pas du rock, non. Non, mais je suis perdu là. If I leave, will you stay here, Benjamin? Je partirai si tu restes ici, Benjamin. Mais faut pas partir, Pipax. Faut rester là, mon petit. N'aie pas peur. Je vais pas te manger. You all eat fisherman. Putain, je comprends. Vieux pêcheur. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? In French, Google Translate. Vieux pêcheur. Mais je vais pas à la pêche. Ah, il est parti. Putain. Je sais pas. Pipax a quitté le salon. Check. Élémentaire, mon cher Watson. Je sais pas. Que je lui ai fait à Pipax. Non, mais Pipax, je sais pas, il t'aime pas. Et je sais pas, il m'aime pas, ouais. J'ai dû lui dire une connerie un jour. Ou alors il me confond avec Bilos. Pipax. je vais enlever la reverb. Pipax. Pipax, je t'aime. Pipax, tu es mon frère. Pipax, peace and love. Reviens, Pipax. Ah. Il a dit qu'il fallait que je m'en aille. Fais-lui faire un tour de vélo. Pipax, viens faire un peu de descente. Alors on peut pas, il y a de la neige. Bon, je vais aller chercher Pipax. Putain, mais je vais quand même pas aller au 2049 parce que... Il est où Pipax? Ah ben c'est bon, il est parti sur le 2052. Bon ben je vais peut-être pas rester alors. Je vais aller lui dire que je m'en vais. Le pauvre bichette. Putain, pourtant, moi, mon rêve, c'est d'avoir un correspondant au Japon. C'est mon rêve. Comme ça, on pourrait pas avoir des prix sur les synthés, tout ça. Ah, je suis dégoûté. Je voulais finir l'année avec un ami japonais. Il veut pas. Il a dit que j'étais un pêcheur. Tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, il m'a dit « vieux pêcheur ». En anglais, c'est « ick fisherman ». I am an old ick fisherman. Putain, attends, je vais marquer comme ça. Mais je sais pas ce que ça veut dire. L'humour japonais, j'ai du mal un peu. Perdu. Pêcheur de slim. Je voulais mettre ma caméra, ça marche pas. Surtout que les Japonais, ils arrêtent pas d'en bouffer du poisson en plus. Ils bouffent que de ça d'ailleurs. Ils bouffent des poissons un peu particuliers. Je comprends pas pourquoi il m'a traité de pêcheur. Bon, je vais vous laisser jouer. Je vais faire un truc pendant ce temps. Je vous laisse jouer. Je vous écoute.